Chapitre 19e, Manorize et Dobbs. Jane avait affaire ce soir-là, mais le matin suivant, elle alla chez Samuel Lynn. Patience était dans la cuisine, épluchant des groseilles. Jane tenait à la main le corsage de la robe d'Anna, qu'elle voulait lui essayer. « Anna n'est pas à la maison, » lui dit Patience. « Elle est allée passer la journée avec Marie Ashley. » Jane le regretta. Elle avait espéré finir la robe le jour même. « Patience, je voudrais vous demander conseil. J'ai pensé que je pourrais gagner quelque chose en cousant des gants. Cela n'a pas l'air difficile. Aimerais-tu ce travail? Les dames ont des préjugés parce que c'est celui que font les pauvres. Il y a cependant des dames de la ville qui le font en cachette pour augmenter leurs ressources. Ce qui m'ennuierait le plus, ce serait d'aller chercher mon ouvrage. Naturellement. Tu ne pourrais pas aller toi-même à la manufacture. Attends un instant. Patience essuya les mains et emmena Jane dans le salon. Ouvrant une armoire, elle en tira une petite machine de forme assez curieuse et une corbeille couverte d'un linge blanc et renfermant des gants tout coupés. « C'est un autre ouvrage que celui que tu as vu, » dit-elle. « C'est ce qu'on appelle le point français. Il y a peu de fabricants qui le connaissent. Ceux qui le connaissent le font faire en particulier. »« Qui est-ce qui travaille ici ?» demanda Jane. « Moi, » dit Patience en riant. « Crois-tu que je sois comme les belles dames, que je n'ose pas mettre la main à l'œuvre ?» La femme de James Massey et moi, nous faisions tout ce qu'il en fallait pour la manufacture d'Eschley. Mais Samuel Lynn me disait l'autre jour qu'il serait obligé de chercher une troisième ouvrière. Je sais qu'on te prendrait volontiers. De plus, c'est un travail un peu plus payé que le point ordinaire. Assieds-toi et essaye. Patience fixa un morceau de peau sous la mignonne machine, prit l'aiguille et montra à Jane la manière de s'en servir. Jane, enchantée, fit quelques points. « Je vois que tu t'en tirerais, » dit Patience. « Tu peux emporter la machine chez toi et étudier. Je te donnerai pour cela un vieux morceau de peau. Dans 2 ou 3 jours, tu y seras accoutumé. Je ne travaille pas beaucoup moi-même, ce qui fait marmonner Samuel Lynn. Comme ce que je gagne m'appartient, il n'a pas de motif égoïste en m'engageant à travailler. Mais j'ai affaire dans le ménage et Anna me prend beaucoup de temps. Je gagne de quoi m'habiller, cela me suffit. » Je pourrais très bien le faire, Patience. Eh bien, tu peux compter qu'on te le confiera. On te donnera une machine et Samuel Lynn t'apportera l'ouvrage et le remportera comme pour moi. » William s'élançait dans le salon, la figure radieuse. « Maman, maman, dépêche-toi de venir à la maison. Voilà 2 dames qui demandent à voir les chambres. » Jane rentra là, chez elle. Une bonne vieille dame en grand chapeau de satin noir attendait au salon. La seconde, plus alerte, plus jeune, quoiqu'elle eût 40 ans bien sonné, avait un air de mauvaise humeur et portait une coiffure tant soit peu hétéroclite ornée de rubans verts et rouges. C'était, comme Jane l'apprit plus tard, la servante, la femme de charge et la demoiselle de compagnie de la vieille dame. « Vous avez des chambres à louer, madame ?» dit la dame. « Pourrions-nous les voir ?»« Voici le salon, » commençait Jane, mais elle fut interrompue par une espèce de glapissement de la seconde. « Ceci, le salon, prétendez-vous que ce soit meublé ?»« Ne vous dépêchez pas, Dobbs, » dit sa maîtresse. « Écoutez d'abord ce que dit madame. Les meubles sont bien simples, c'est vrai, » avoua Jane, « mais ils sont propres et neufs. Ce sofa est excellent. Les chambres à coucher sont en haut. » La vieille dame demanda à les voir, et elles montèrent. Dobbs passa la tête dans une chambre et la retira en poussant un cri. « Il n'y a pas de descente de lit !»« Je suis bien fâché de n'avoir pas de descente de lit pour le moment, » dit Jane découragée. « J'en achèterai aussitôt que je le pourrai. » »« Nous pourrions attendre, Dobbs, » suggéra la vieille dame, qui paraissait d'un caractère facile et conciliant. « Je vous demande pardon, madame, » rétorqua Dobbs, « mais vous ne ferez rien de pareil. Vous ne manqueriez pas d'avoir des crampes si vous posiez vos pieds chauds sur un plancher froid. Moi, je ne le ferai pas. » « Je n'ai jamais eu de crampes, Dobbs. Ce n'est pas une raison pour que vous n'en ayez jamais, madame, » fit Dobbs d'un ton d'autorité. « Quelle jolie vue que l'on a depuis ces fenêtres, » s'écria la vieille dame. « Dobbs, voyez-vous les collines de Malvern ?» « On ne mange pas les vues, » dit Dobbs d'un ton sentencieux. « Cela fait pourtant plaisir à voir. Ces chambres me plaisent. Y a-t-il un cabinet ou une petite chambre, madame, où nous pourrions mettre nos malles si nous venions ?»« Nous ne viendrons pas, » interrompit Dobbs avant que Jane pût répondre. « Des chambres sans tapis ne peuvent nous convenir. »« Il y a un cabinet au-dessus de la porte d'entrée, » dit Jane à la vieille dame. « Nos malles y sont, mais je puis vous les faire monter. »« Comment ? Est-ce qu'il y a un galta ?» s'écria Dobbs. « Un quoi ?» cria Jane, qui n'avait jamais entendu ce mot. « Il n'y a qu'un grenier. »« Oui, gronda Dobbs, ce sont ceux qui font les beaux-parleurs qui l'appellent ainsi. Un galetas est bon pour nous autres. Nous ne l'avons jamais appelé autrement. Qui est-ce qui y couche? Mes petits garçons. C'était ici leur chambre. Mais je les ai mis en haut afin de pouvoir la louer. Là, madame, dit Dobbs, d'un ton triomphant en se tournant vers sa maîtresse, vous me croirez une autre fois, j'espère. Je vous disais bien qu'il y avait un tas d'enfants ici. L'un d'eux nous a ouvert la porte. Peut-être qu'ils sont tranquilles, dit la vieille dame, accoutumée depuis si longtemps au ton dominateur de Dobbs qu'elle n'y prenait plus garde. Oui, certes, assura Jane, ce sont de bons enfants, sages et obéissants. Ils ne vous dérangeraient nullement. J'aimerais bien voir la cuisine, dit la vieille dame. Nous voulons seulement nous servir de la cheminée, grommela Dobbs. Le feu s'éteint après le dîner et je fais le thé au salon. Faudra-t-il faire le service? Demanda Jane. Non, répondit brusquement Dobbs. C'est moi qui sers ma maîtresse et moi-même. Nous avons une femme pour les plus gros ouvrages et nous faisons blanchir notre linge dehors. La réponse soulagea Jane, qui s'était inquiétée à l'idée de servir ses locataires. C'est une fort gentille cuisine, dit la vieille dame en la regardant. Je parie qu'elle fume, observa Dobbs. Non, pas du tout. Où est la charbonnière? Demanda Dobbs. Y en a-t-il deux? Il n'y en a qu'une. Elle est derrière la maison. Alors, si nous venions, où mettrions-nous notre charbon? S'écria fièrement Dobbs. Je vais avoir ma charbonnière pour moi seul, avec une clé et un cadenas. Je ne tiens pas à ce que les feux de la maison soient alimentés avec le charbon de ma maîtresse. Jane rougit et se tournant vers la vieille dame. Permettez-moi de vous rassurer, madame, que votre propriété sera respectée dans ma maison. Qu'elle soit enfermée ou non, ni moi ni les miens n'y toucheront. J'en suis persuadé, dit gracieusement la bonne dame. Je n'ai pas la moindre crainte à cet égard. Vous ne devez pas faire attention à ce que dit Dobbs. Elle n'a pas mauvaise intention. Et notre armoire pour le beurre et la viande? Continua l'indomptable fonctionnaire. Y a-t-il une clé? Quel est le loyer, madame? Demanda la vieille dame, sans donner à Jane le temps de répondre qu'il y en avait une. Jane hésita, puis en rougissant. 25 francs par semaine. Dieu de bonté! Cria Dobbs. 25 francs par semaine! Et c'est à nous à fournir la vaisselle et les draps? Dobbs, dit la dame, il ne me semble pas que ce soit si considérable. Voyez, un salon, deux chambres à coucher, un cabinet et la cuisine, le tout meublé. Le cabinet n'est qu'un vilain trou noir. Nous ne ferons que nous servir de la cuisine. Et les chambres n'ont pas de tapis, vociféra Dobbs en interrompant sa maîtresse. Si quelqu'un vous demandait votre tête, madame, vous la couperiez, vous la donneriez si je n'étais pas là pour vous arrêter. Eh bien, Dobbs, nous n'avons rien vu qui nous convienne mieux. Et vous savez qu'il faut que je demeure de ce côté-ci de la ville, où l'air est sec. Paris l'a recommandé. Nous n'avons pas encore eu la moitié des logements à louer, dit Dobbs. 25 francs, c'est beaucoup, madame. Et nous n'avons nulle part payé autant. Mais je ne trouve pas que ce soit déraisonnable, continua la vieille dame en s'adressant à Jane. Voyons, Dobbs, que ferons-nous? Ce que nous ferons, madame. Mais naturellement, nous irons voir ailleurs. Prendre ces chambres, sans en avoir vu d'autres, ce serait acheter un cochon dans un sac. Allons, venez, madame, des chambres sans tapis ne nous conviendront jamais, ajouta-t-elle en se tournant vers Jane. Elles quittèrent la maison et continuèrent à se quereller sur la route, l'une proposant, l'autre disputant et accusant sa maîtresse de vouloir aller finir ses jours à l'hôpital. Patience, qui avait attendu leur départ, vint savoir les nouvelles. Elle apportait la machine et un morceau de peau de la grandeur d'un gant. Jane pleurait. Je crois qu'elle serait venue s'il y avait eu des tapis, soupirait-elle. Oh, patience, quel secours c'eût été pour moi! Je leur ai demandé 25 francs par semaine. Vraiment? C'est beaucoup, surtout puisque tu n'aurais pas eu de service à faire. Comment le savez-vous? Parce que je sais qu'un homme sert sa maîtresse. Cette dame est la veuve de Joseph Rice. J'avais entendu dire qu'elle devait venir demeurer de ce côté. Ont-elles définitivement refusé? Parce que sais-tu, j'ai des morceaux de tapis qui ne me sont pas utiles et que je pourrais te prêter jusqu'à ce que tu puisses en acheter. Ce serait grand dommage que cette seule raison te privât de louer tes chambres. Jane regarda Patience avec reconnaissance. Que ferais-je sans vous, Patience? Non, non, ne me remercie pas. Je ne risquerai pas ces tapis avec des inconnus, mais je sais qu'Anne Dobbs est très soigneuse. Elle a un caractère bien désagréable, observa Jane. Patience sourit. Elle n'est pas très agréable, en effet. Mais elle est attachée à sa maîtresse et la sert fidèlement. Jane s'assit à la machine, regardant la route de temps en temps. Une heure plus tard, elle vit revenir Madame Rice et Dobbs. William alla leur demander si elle voulait entrer. Elles entraient déjà. Elle n'avait rien trouvé de mieux. Jane leur annonça qu'elle pouvait leur fournir des tapis. « Alors je crois, madame, que nous nous déciderons, » dit la vieille dame. « Nous avons vu de fort jolies chambres pour 22 francs, mais les propriétaires ont pour locataire un jeune étudiant en médecine qui rentre à toutes les heures de la nuit. » Doves leur a fait tant de questions qu'ils ont fini par l'avouer. « Je sais bien ce que c'est que ces apprentis médecins, » interrompit Doves avec indignation. « Je ne supporterai pas que ma maîtresse se trouve en contact avec eux. Ils rentrent quand le jour va commencer, et avant que le soleil soit levé, ils ont déjà la pipe à la bouche et ils empoisonnent la maison de tabac. On dit aussi qu'on leur apporte de drôles de grandes caisses, pour ce qu'ils appellent la recherche de la science. Peut-être que le gardien du cimetière pourrait bien nous dire ce qu'il y a là-dedans. Eh bien, Doves, nous louerons les chambres de madame. Je suis sûr que nous ne verrons rien de mieux. » Doves grommela. Elle était fatiguée et n'avait d'ailleurs aucune objection réelle, sauf le prix, qu'elle persiste à déclarer trop élevé. « Je suppose que vous ne prendriez pas moins ?» demanda Mme Rice. Jane hésita. « Je prendrai un peu moins plutôt que de ne pas vous louer, » dit-elle avec candeur. « Mais je suis bien pauvre et le moindre franc m'est bien utile. »« Eh bien, je les prendrai à ce prix, » décida la bonne dame. « Et vous, Dobbs, si vous grondez, je n'y puis rien. Pouvons-nous entrer, voyons. C'est aujourd'hui mercredi. Je ne viens pas vendredi, à aucun prix. » interrompit fièrement Doves. « Alors nous viendrons mardi prochain, » conclut Mme Rice. « Auparavant, je vous enverrai une mesure de charbon que vous aurez la bonté de recevoir. »« Et de mettre sous clé, » acheva Doves.